L'humain, l'homme et la bête, tels que le beau monstre antique, sont entrés dans la mer, et, nus, libres, sans frein, parmi la brume d'or de l'âcre pulvérin, sur le ciel embrasé, font un groupe athlétique. Et les talons sauvages, et le dompteur rustique, humant à plein poumon l'odeur du sel marin, se plaisent à laisser, sur la chair et le crin, frémir le flot glacé de la rude Atlantique. Là où le s'enfle, court, se dresse comme un mur et déferle. Lui crie, il hennit, et sa queue en jets éblouissants fait rejaillir l'eau bleue. Et, les cheveux épars, s'effarant dans l'azur, ils opposent, cabrés, leur poitrail noir qui fume au fouet échevelé de la fumante écume.